Pendant les Jeux olympiques, Dolbo Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois. Ou encore, le Sierra, $98 par semaine pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Walberg, Dolbo-Mistassini, au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. On va parler des Cassandra avec l'instructeur-chef Robin Bouliane. Salut Robin. Salut Danny. Robin, niveau du midget 2B, les Cassandra en fin de semaine étaient de retour au calendrier régulier et ça a été trois défaites contre les ambassadeurs de Chicoutimi. Je pense que c'est deux matchs, c'est ça? OK, contre le National de la Baie, les Aiglons d'Allemagne et les Ambassadeurs. Oui, c'est en plein ça, exactement. Donc, on va commencer par le match de vendredi contre les Aiglons d'Allemagne. Défaite de 3-2. Défaite de 3-2, oui. On était, disons que l'infirmerie était assez achalandée. On a dû rappeler là, un joueur à ses pieds. Puis malgré tout, on était à 8 attaquants. Okay. Il y en a un de nos défenseurs là, qui a dû quitter là, après la première période à cause d'une commotion. Donc, ça n'a pas été facile. Mais malgré tout, on tirait de l'arrière 2-0 après 2, puis on a remonté, on a égalisé là, en troisième. Okay. Puis on a perdu en prolongation. Là. Donc, c'est sûr que malgré les blessures, les gars, ils n'ont pas lâché. Puis, ça a été ça qui a été un peu le point important de la partie, selon moi. Est-ce qu'un joueur qui s'en va, qui est rappelé un PA, ça se trouve être comme une espèce de filiale, là, autrement dit? Là. Un joueur affilié, oui. Ouais, est-ce que ça peut arriver qu'il se démarque dans un match? Y a-t-il de l'air fou sur la glace ou bien pas du tout? Non, il n'y a pas de l'air fou. Ben, écoutez, c'est sûr que je pense que le joueur qu'on avait là en fin de semaine, le petit Zachary, il a quand même un bon sens du hockey, donc il a réussi quand même à se débarquer malgré sa petite taille. Là. Okay. Mais c'est sûr que c'est pas évident pour ces jeunes-là parce que souvent ils jouent dans le simple lettre, puis il n'y a pas de contact. Là, ils arrivent avec dans le milieu de 2B, donc s'il y a le contact, les joueurs sont plus rapides, plus gros. Mais malgré tout, Zachary s'est quand même bien débrouillé dans le vendredi. OK. Samedi maintenant, autre défaite contre le National de la Ville. Oui, on a perdu 5-4-3, je pense, de filet désert. Encore une fois, là, on n'a pas été capable de prendre les devants. Puis ce match était plus difficile. L'intensité était moins présente. C'est sûr que nous autres, on est l'équipe que si tous nos joueurs se présentent pas, nos chances de gagner sont plus difficiles. Puis c'est sûr qu'il nous restait encore des joueurs blessés. Encore une fois, on a le joueur personnel réduit. Puis exactement comme je disais, là, ça prend la part de tout le monde, autant au niveau du travail que de l'attitude et de la discipline. Puis ça n'a pas été présent. Okay. Donc, ça nous a causé de la défaite. Ouais. Et défaite enfin, contre les ambassadeurs de Chicoutimi, c'est une grosse équipe, les ambassadeurs. Ils ne sont pas loin du Marcos Sport. C'est une grosse équipe. Ils sont pas loin du Marcos Sport. Bon, on les avait battus la semaine précédente, donc 5-1. C'est ça qui nous attendait avec une brique et un fanal, puis ils étaient prêts pour ce match-là. Mm. Nous autres, de notre côté, ben, on a commencé tard un peu à jouer dans le match. Encore une fois, on n'a pas eu nos 17 joueurs qui s'est présentés, tout le monde en même temps. La recette, c'est pas compliqué, hein. Puis si on déroge un peu de la recette, ça va moins bien. Ouais, effectivement. En fait, comment tu vois ça, le tournoi de centre de formation professionnelle en fin de semaine? C'est de, devant vous autres, vous avez gagné. Est-ce que le fait que vous avez gagné le dernier tournoi, c'est quand même. Ça va vous, vous apporter ça avec confiance? Sûrement. Hein? Ben, c'est sûr. C'est sûr que ça nous a donné. Ça nous a prouvé à nous autres mêmes qu'on était capable de gagner un tournoi. Puis on est capable de, d'aligner aussi. On a quand même joué 6 parties lors de ce tournoi-là. À Beauport, ouais. Les 6. Donc. Je pense qu'on va avoir la même approche pour le tournoi à Dolbeau, dans le sens qu'on va les prendre match par match, puis il faut surtout pas se faire prendre par, tu sais, souvent dans un tournoi, tu joues, tu vois les autres équipes jouer, puis là, tu vas jouer contre une équipe qui a perdu, contre une équipe que vous avez gagné, donc on pense que ça va être plus facile, puis c'est là qu'on se fait jouer des tours, donc l'approche, ça va être de prendre match par match, puis oublier ce qui s'est passé dans les matchs précédents, puis de venir travailler pour ce match-là. Puis comme je l'ai dit, si on prend pas notre recette de 17 joueurs qui travaillent avec une bonne attitude, une discipline, ça ira pas bien. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va approcher le tournoi, okay, et le prendre vraiment match par match. OK. Ce matin, j'ai fait une entrevue avec Sébastien Godette, des Rapides Bantam. Les Rapides, 24e au classement POC. Ils ont vraiment une bonne équipe cette année. Là, avec en plus de ça, ils ont été dépouillés de plusieurs joueurs à Alma. C'est toi qui dirige l'an prochain, ça va être le fun? Ben oui, ben on sait qu'il y a des bons jeunes qui poussent dans le Bantam. Ouais. Puis on sait pas aussi ce qui va arriver ce qui va arriver de ceux qui sont dans le cadet présentement. Ouais. Ça peut arriver qu'il y en a qui y reviennent dans le coin, mais oui, c'est très positif, très prometteur aussi qu'on ait des bons jeunes qui poussent. Surtout que les dernières années au niveau midget, ça n'a pas été facile. Donc ça va être bon pour les castors, ça va être bon pour le secteur. Effectivement. On va tourner la meilleure des chances. Premier tournoi, c'est quand tu dis le premier tournoi, c'est? Le premier match du tournoi. Oui, c'est ça, oui. Le premier match est vendredi. On fait la partie d'ouverture à 7h30. OK. Vendredi. Puis après ça, on joue le samedi à midi. OK. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Merci beaucoup. On s'en parle jeudi prochain. Parfait. Merci. C'était la chronique des Castors de Debout avec Robin Boulay.